L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir à tous mes petits loups, soyez les bienvenus sur Osmose Radio. En cette fin de journée, c'est le moment fatidique, le moment de votre playlist rock et new wave. Vous êtes bien dans l'heure du loup, avec ce soir une sélection musicale un petit peu particulière, car la semaine dernière, le 22 mai, c'était le World Goat Day. Vous savez, une de ces journées à la con qui sert à rien, mais qui avait le charme pour celle-ci d'être consacrée à nos amis les petits corbeaux. Par conséquent, j'avais envie de faire une playlist consacrée à ce thème-là et à ces gens qui n'écoutent pas que de la musique dépressive, n'en déplaise aux journalistes d'M6. Par conséquent, je vous propose une sélection musicale plutôt orientée rock gothique ce soir, et on commence avec une grande dame de cette scène-là qui vient de fêter ses 61 printemps, Siouxsie, avec le groupe Siouxsie and the Banshees. We'll be right back.

We always are my best. My girlfriend's girlfriend, la petite amie de ma petite amie. Ouh, il s'en passait des choses chez Peter Steele, le regretté chanteur du groupe Type O Negative. On m'a dit un jour que Type O Negative, ce groupe plutôt connoté hard rock, était le chaînon manquant entre la scène metal et la scène gothique. Et à mon avis, c'est tout à fait bien vu et bien formulé. Par conséquent, j'avais envie de vous passer ce groupe-là, n'en dépèse, aux grincheux de toutes les chapelles. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, chers amis. Vous êtes bien avec Stéphane, votre playlist rock et new wave, plutôt orientée rock gothique ce soir. Vous êtes bien dans l'heure du loup sur Osmose Radio. Et on continue avec un autre grand monsieur de cette scène-là, bien que son groupe soit plutôt orienté New Wave, c'est Robert Smith et le groupe The Cure. We'll be right back. wish. I often dream of dying to dissolve completely, to simply vanish, so that nothing, not a single grain, most of all, no rebirth. Alas, if I had this chance, this possibility, how free from worries could I be? If I only had this one guarantee, lying in wait for me. We'll be right back. morceau du groupe Tallinn, un groupe new wave de la région que j'aime bien et qui lorgne lui aussi vers la scène goth des années 80 et notamment The Cure dont on parlait tout à l'heure. Tallinn, un groupe que vous pourrez voir bientôt en ce mois de juin à plusieurs reprises sur scène. Évidemment, je vous donnerai tous les détails et aussi ceux concernant la playlist sur le Facebook de L'Heure du Loup, facebook.com/L'Heure du Loup, tout attaché. Oh oui, tout attaché. Voilà, chers amis, c'était ma sélection musicale rock, gothique, plutôt orientée années 80 ce soir. Et pour rester un petit peu dans le thème, tout en passant quelque chose de différent, je vous propose, puisque c'était il y a quelques semaines la nuit de Valpurgis, le 30 avril, la nuit des sorcières, eh bien je vous propose de nous quitter avec le groupe médiéval allemand Faun et le titre Walpurgisnacht. Je vous donne rendez-vous bientôt. Bis mes petits loups, salut. Steigen heute Nacht die Zauberweisen, wildes Volk und Liliths Art, lauernd Winde heimlich wart. Lasst uns zu den Feuern streifen, raunend nach den Sternen greifen, Gutes und auch Böses vor, tragen wir Haupt, Wort und Wort. In den Weiden werden unsere Träume klingen und die Winde werden unsere Lieder singen. Lasst uns mit den Funken übers Feuer springen. In der Walpurgisnacht. Hey, oh, hört die Geigen, hört die Geigen. Hey, oh, die Feuer sind entfacht. Hey, oh, folgt den Geigen, folgt den Geigen. In der treten wild und frei diesem alten Zauber bei. Einmal nur im großen Kreise tanzen wir auf jene Weise, bis das erste Morgenlicht unser Traumgewebe bricht. In den Weiden werden unsere Träume klingen und die Winde werden unsere Lieder singen. Lasst uns mit den Funken übers Feuer springen. In der Weide